Plectrum, la deuxième heure. Bonjour tout le monde, c'est toujours André Péloquin au micro lors de cette émission diffusée sur les ondes du 89.3 FM. On débute dès maintenant l'heure anglophone, on va y aller avec un peu de rock'n'roll. On va avoir entre autres les Fratellis, formation que j'aime beaucoup. J'imagine que d'ici quelques mois, lorsque le magazine NME va dire que c'est les nouveaux sauveurs du rock, je devrais les premiers à vouloir leur lancer des briques. Mais bon, en attendant, j'apprécie beaucoup. On va aussi avoir du Dirty Pretty Things, un projet d'un ex-Libertines. Vous savez, Libertines, ce groupe qui était autrefois pris en charge par Pete Doherty. Espèce de dopé notoire, là, que ça a l'air qu'il n'y a aucune loi en Angleterre qui peut le garder sous les en arrière de barreaux. Mais avant, on va débuter avec un classique. Je parle bien sûr de Ever Fall in Love des Buzzcocks. We'll be right back. boy is dagger. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear. Bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Well, you must be a boy with bones like that. She said you got me wrong. I would have sold them to you if I could. I just kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be a regular belle. And I'll see dance for little Stephen and Johanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me a kiss, thank you dear. Bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Chelsea, I believe that when you dance and slowly suck on your C'était Ever Fallen in Love des Buzzcocks. Bonjour tout le monde, c'est toujours André Péloquin au micro et c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi, première édition de 2007. Un peu avant, on avait les Fratellis avec Chelsea Daggers et on a débuté avec Dirty Pretty Things. C'était la pièce Bang Bang, You're Dead. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus électro. On va avoir du Ratatat, du DJ Alexi. On va aussi avoir du DJ Lobster Dust ainsi que du Duchess 16. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, on peut me rejoindre par courriel. L'adresse c'est leplectrumcism@hotmail.com pour avoir plus de détails sur la programmation de l'émission et même la télécharger. On peut aller sur leplectrumcism.blogspot.com. Si vous voulez plutôt en savoir sur CISM, en savoir plus sur la station de radio elle-même, c'est le CISM893.ca. On débute dès maintenant avec la pièce Sure Shot Boxer Pistol de DJ Lobster Dust. We'll be right back. doesn't need his phone down with him. We'll be right back. C'était Wildcat de Ratatat, le Evax Remix. C'est toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se déroule sur les ondes de la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal, CISM. Un peu avant, on avait Alex C avec la pièce Block Rockin' Organ Donner. On a aussi eu du DJ Lobster Dust avec Sure Shot Boxer Pistol. Et on a débuté le bal avec Duchesses. C'était la pièce Black Flag, remixée par Pirate Sound System. On va poursuivre dès maintenant avec du hip-hop. On va avoir entre autres des pièces de Power Up First en compagnie de D-Shade, des Stanton Warriors en compagnie de Rodney P et de Jay-Z en compagnie de Gloria Estefan. Oui, je veux me faire envoyer de CISM. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je rappelle le courriel, c'est le plectrum cism@hotmail.com. Si vous avez un iPod ou un iTunes ou les deux en même temps, je vous rappelle mon podcast, c'est le podmodernisme, podmodernisme .blogspot.com. L'émission Plectrum a aussi son podcast. Si jamais vous la manquez, vous pouvez aussi la télécharger pour l'écouter en format MP3. Dirigez-vous au cism893.ca pour avoir plus de détails. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. It's your boy. Y'all pull over the car or bounce on the devil, put the pedal to the floor. And I ain't trying to see no how he chase with Jake. Plus I got a few dollars, I can fight the case. So I pull over to the side of the road. I heard, son, do you know I'm stopping you for? Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I guess some up? Well, you was doing 55 to 54. The registration is the body of the car. You carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping out of shit, all my papers legit. Well, do you mind if I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is locked, so the trunk is back. And I know my rights, so you don't need a warrant for that. Aren't you sharp attack? Some pop alarm, something somebody partners up. I ain't passed the bar, but I know a little bit enough that you won't illegally search my shit. We'll see how smart you are when the K-9 comes. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Come on, shake your body, baby, do that song, I know. Having a goddamn sense of trying to push me. I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him. But some fools just love to perform. You know the type, loud as a motorbike. But wouldn't bust a grape in a fruit fight. And only thing that's gonna happen is I'ma get to clapping him. He and his boys gonna be yapping to the captain. And there I go trapping the Kit Kat again. Back through the system with the riffraff again. Fiends on the floor, scratching again. Paparazzi's with the camera, snapping them. DA trying to give them niggas shack again. Half a meal for Bell, cause he's African. All because the fool was harassing them. Trying to play the boy like he's saccharine. Yeah.

distressed when I'm put to the test. Just coordinate the right foot with the left. I see a lot of chefs in the kitchen, but who's cooking it best? I'm just wondering if this is as good as it gets. Blessed with dry vision and sense. My mission is set, time limit is death. When I ride the rhythm, the rhyme spinning's intense. And no obstacle standing when my adrenaline sets. I pen and I sketch whatever the mind envisions. Hitting my mark with well-timed precision. Never mind the fiction, we live it in real time. If cats are done making their point, then please listen and hear mine. They often come and go. Usually when they fit, we ain't got nothing to show. Blessings, I can't explain, they just happens. Why a brother like me still up here rapping? Blessings, they often come and go. Stressed and blessed, cause war, threat, and deaths at their front doors and steps. Others' concerns getting more sets to test, and people telling them to do the best. Consider myself lucky to have toured with vets, but I ain't pointing it out so that you're impressed. There's more to it, the vibe, the raw music, that some used to consider to be an art movement. Wanted to do it when I first heard Soul Sonic. Now the culture's so huge, people across the globe want it. Digital or live, I put my flow on it. We limited in time, so grab a hold of it. Drop gems, gold nuggets whenever I go public. I've done a few shows for little or no budget. Disrespecting my craft is something I won't stomach. Trying to climb up to the summit and hoping I don't plummet. Blessings, I can't explain, it just happens. Why a brother like me still up here rapping? Power Up First en compagnie de D-Shade avec la pièce Mixed Blessings. C'est toujours Plectrum sur les ondes du 89.3 FM. Un peu avant, on avait les Stanton Warriors en compagnie de Rodney P. C'était la pièce Dip and Get Low, le Decline and Wizard Remix. Et on a débuté avec DJ Melchizedek, un autre mashup. C'était 99 Congas. C'est André Péloquin qui vous dit déjà au revoir. C'est ma dernière intervention au micro, mais il y a quand même la musique qui s'en vient pour vous. Outre le palmarès du jeudi qui prendra le contrôle des ondes dès 18h, on a quelques pièces pop pour vous. On va tout d'abord débuter avec une pièce de Arcade Fire, une toute nouvelle pièce qui s'appelle Black Wave Bad Vibrations. Une pièce qui a été lancée par accident. Voyez-vous, il y a quelques semaines, on vous parlait que Arcade Fire avait mis à la disposition des internautes une nouvelle pièce qui s'appelait Intervention, qu'on pouvait se procurer via le portail iTunes, et le montant qu'on payait était distribué à une compagnie caritative. Mais voilà que l'étiquette de Arcade Fire, Merge Records, a tout simplement mis en ligne la mauvaise pièce. Alors les personnes qui téléchargeaient Intervention se retrouvaient avec cette pièce. Alors c'est ce qu'on va entendre. Personnellement, je crois que Intervention, qu'on vous a déjà joué il y a une ou deux semaines, est beaucoup plus épique. Mais bon, du nouveau matériel Arcade Fire, pourquoi critiquer? On va tout simplement le jouer. On va aussi avoir, si on a le temps, du Blow avec Parentese et du Specific Eats avec Are You For Real, Megan O'Neill. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions au courant de la semaine ou demandes spéciales pour la prochaine édition de Plectrum, je rappelle mes coordonnées une ultime fois. Oh! Alors, papier, crayon, tout le monde, vous servez-vous du tiroir de votre mémoire? C'est par courriel au plectrumcism@hotmail.com, par le site web leplectrumcism.blogspot.com. J'ai aussi un blog et un podcast. On peut accéder aux deux au podmodernisme.blogspot.com, podmodernisme.blogspot.com. Et finalement, le site web de CISM, c'est le CISM893.ca. On y va dès maintenant avec Win Butler, le cousin de Edith et toute sa famille d'Arcade Fire. À la semaine prochaine, tout le monde! Oui. Cry.